Des fausses relations. Chapitre 50. Que plusieurs sont trompés parce qu'ils ajoutent trop aisément foi aux révélations, qu'elles ne sont souvent que des illusions du diable, et en quoi consiste la véritable liberté de l'esprit. Il faut, ma chère fille, avant que de passer plus avant, vous avertir d'un péril qui se rencontre en la voie de Dieu, dans lequel plusieurs tombent, et il n'y a point de meilleur moyen pour l'éviter que de faire attention à cet avis du Saint-Esprit, prêtez l'oreille, ce péril est qu'il arrive souvent par la permission de Dieu à des personnes dévotes d'avoir des révélations, des visions et d'autres sentiments spirituels dont le démon est l'auteur, et dont il se sert pour deux raisons. L'une, afin de les empêcher d'ajouter foi aux révélations de Dieu, de même qu'il fait de faux miracles pour diminuer la créance des véritables, et l'autre, afin de tromper ces personnes sous prétexte de piété, ne le pouvant faire par une autre voie. Les siècles passés nous en fournissent plusieurs exemples, et nous en voyons encore beaucoup en ce temps. C'est pourquoi l'on ne saurait trop avertir ceux qui aiment leur salut de n'ajouter pas facilement foi à de semblables choses, puisque ceux-mêmes qui au commencement les avaient crus, ont, après en avoir été détrompés, fort recommandé d'y prendre garde. Gerson en rapporte plusieurs exemples arrivés de son temps, et dit qu'il en a connu qui tenaient pour certains et disaient avoir eu révélation de Dieu qu'il serait pape, et que même l'un d'eux l'avait écrit et assurait qu'il en avait des conjectures et d'autres preuves certaines, et que l'un de ceux qui avait cette folle imagination, après qu'il en eut été détrompé, se mit dans la tête qu'il serait l'antéchrist ou au moins son précurseur, et fut ensuite fortement tenté de se tuer lui-même pour éviter de faire tant de maux, qu'enfin la miséricorde de Dieu le délivra de ses tromperies du diable, et qu'il laissa par écrit ce que je viens de rapporter. Pour apprendre à d'autres à se garantir de ces folles illusions, plusieurs aussi se sont persuadés en ce temps d'avoir droit de réformer l'Église chrétienne pour la rétablir dans la perfection qu'elle avait en son commencement, et encore plus grande, mais il ne faut point de meilleure preuve qu'ils étaient trompés que ceux qui n'y ont pas réussi. Et il aurait beaucoup mieux valu pour eux d'avoir travaillé à se réformer eux-mêmes, comme ils l'auraient pu avec la grâce de Dieu, que d'oublier leurs propres défauts pour se mêler par un esprit d'orgueil d'une chose si importante et dans laquelle Dieu ne voulait pas se servir d'eux. D'autres ont voulu chercher de nouvelles voies pour s'approcher de Dieu, qui leur paraissaient plus courtes, et se sont imaginés que, pourvu qu'ils s'abandonnassent entièrement à lui, il les conduirait par son Saint-Esprit et qu'ils n'auraient aucun sentiment qui ne vînt de lui. Cette folle tromperie allait jusqu'à un tel point, qu'ils n'auraient pas voulu faire un pas pour s'employer à une bonne œuvre, quelque excellente qu'elle fût, à moins que d'en avoir un mouvement intérieur, et encore que les choses auxquelles ces prétendus mouvements les portaient fussent contraires aux commandements de Dieu, ils ne laissaient pas de les faire, parce qu'ils étaient si persuadés qu'elles venaient de lui et que le Saint-Esprit les mettait dans cette liberté, qu'ils se croyaient affranchis de l'observation de ses commandements, à cause, disaient-ils, qu'ils aimaient Dieu si véritablement. Qu'encore qu'ils contrevinssent à ses lois, ils ne laissaient pas de l'aimer, ne considérant pas que Jésus-Christ a dit tout le contraire par ses paroles sorties de sa propre bouche, « Celui qui a reçu mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai aussi, celui qui ne m'aime point ne garde point mes paroles. » Jean 14, 21. Il paraît par ce passage que celui qui ne garde point les commandements de Dieu ne l'aime point, parce, comme dit saint Augustin, que ce n'est pas aimer son roi que de ne lui point obéir. Et quant à ce que saint Paul dit, que la loi n'est pas pour les justes, mais pour les méchants, 1 Timothée 1, 9, et que, où est l'Esprit du Seigneur, là est aussi la liberté, 2 Corinthiens 3, 17, il ne s'ensuit pas de là que le Saint-Esprit affranchisse quelqu'un, quelque juste qu'il soit, de l'observation des commandements de Dieu et de son Église, ni de ceux de ses supérieurs, puisqu'au contraire, plus Dieu communique son esprit à quelqu'un, et plus cette personne l'aime, et que son amour croissant, le désir d'observer ses commandements et ceux de son Église croît aussi. Ainsi, comme cet Esprit Saint est tout, puissant lorsqu'il se répand avec abondance dans une âme, il lui fait aimer le bien avec tant de vérité et d'ardeur, qu'au lieu de trouver de la peine à obéir aux commandements de Dieu, il lui paraît si facile et si agréable, qu'elle dit, avec David, « Que vos oracles, Seigneur, me sont doux, certes, ils sont plus à mon âme que le miel ne l'est à ma bouche. » Psaume 118, 103. Car, comme le Saint-Esprit rend la volonté de l'homme conforme à celle de Dieu, en faisant qu'il n'ait qu'un même esprit avec lui, l'observation de ses commandements ne saurait lui être que très agréable, puisque chacun prend plaisir à faire ce qu'il aime, tellement que si la loi de Dieu se perdait, elle se trouverait écrite dans le cœur de ces personnes, selon ces paroles de David. La loi de Dieu est dans le cœur du juste, psaume 36, 33, c'est-à-dire dans sa volonté, et Dieu lui avait dit lui-même auparavant par un prophète, « J'écrirai ma loi dans leur cœur. » Ainsi, quand on ne nous menacerait point des peines de l'enfer, que l'on ne nous promettrait point les félicités du paradis, et qu'il n'y aurait point de commandement que nous fussions obligés d'observer, les justes ne laisseraient pas d'agir comme ils font par le désir de plaire à Dieu. Car comme le Saint Esprit rend l'homme tel envers Dieu qu'un fils l'est envers son père par sa naissance, puisque c'est par la grâce qu'il répand dans nos cœurs que Dieu nous adopte pour ses enfants, nous devons servir Dieu avec ce respect et cet amour qu'un excellent fils sert son père. Par ce moyen on a de l'horreur du péché, une ferme espérance bannit la tristesse et la crainte autant que cela se peut dans notre exil en ce monde, et l'on est prêt à souffrir les travaux, non seulement avec patience, mais avec joie. C'est là ce qui a donné sujet de dire ce que nous venons de rapporter de l'Écriture, que le juste est dans la liberté, et qu'il n'y a point de loi pour lui. Et c'est en cette sorte que la loi qui ordonne à une mère d'avoir un extrême soin de son enfant ne la garde de lui être pénible lorsqu'elle l'aime beaucoup, elle s'élève même au-dessus de la loi et des soins auxquels elle l'engage. Elle agit sans aucune contrainte, et n'a point besoin de l'autorité de la loi pour faire ce qu'elle lui commande, parce que son amour le lui fait faire, et elle fait même beaucoup de choses à quoi elle n'est point obligée, à cause que les effets de son amour vont beaucoup plus loin que l'obligation qu'impose la loi. Et c'est ainsi que doivent s'entendre ces paroles de saint Paul. Si vous êtes poussé par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi, Galates 5, 18, parce qu'ayant de l'horreur pour le péché, de l'amour pour la loi, et du plaisir à souffrir, qui sont des sentiments que le Saint-Esprit inspire, la loi, comme je l'ai dit, ne saurait nous paraître rude. Mais on n'a pas plutôt violé les commandements de Dieu et de l'Église, que le Saint-Esprit se retire de l'âme, et que le péché entre en sa place, selon qu'il est écrit, le Saint-Esprit se sépare des pensées criminelles. Ainsi, comme l'âme n'est plus conduite par cet Esprit Saint, elle ne peut éviter d'être accablée sous la pesanteur des peines dont ceux qui ne l'aiment pas sont menacés, de se trouver faible à souffrir les travaux, et d'être sujette à faire des chutes. On ne peut donc, après avoir péché contre les commandements de Dieu et de l'Église, avoir ni amour pour lui, ni justice, ni liberté. Puisqu'il a déclaré que celui qui commet le péché devient esclave du péché, et que de même qu'il ne peut y avoir d'alliance entre la lumière et les ténèbres, il ne peut aussi y en avoir entre Dieu et le péché. Chapitre 51. Combien le désir d'avoir des révélations ou des sentiments extraordinaires est périlleux, et ce que l'on doit faire pour éviter de telles illusions. Après vous avoir rapporté, ma fille, des exemples de tant de gens qui sont tombés dans ces dangereuses illusions qui leur ont fait prendre leurs sentiments pour des inspirations de Dieu, je vous prie d'en profiter en n'ayant aucun désir de ces choses singulières et surnaturelles, parce que ce serait une marque d'orgueil et d'une curiosité très périlleuse. Saint Augustin avait éprouvé cette tentation, et voici de quelle sorte il en parle, de quels artifices, Seigneur, le démon ne s'est-il point servi pour me porter à vous demander quelques miracles, mais je vous conjure, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon roi, et de la céleste Jérusalem qui est toute pure et toute chaste, que comme vous m'avez empêché de consentir à cette tentation, vous me continuiez toujours la même grâce. Saint Bonaventure dit que plusieurs sont tombés en de grandes erreurs et de grandes extravagances pour punition d'avoir désiré de semblables grâces extraordinaires, que l'on doit autant appréhender que souhaiter. C'est pourquoi, ma fille, si elles vous arrivent sans que vous les ayez recherchées, craignez et n'y ajoutez point de foi, mais priez aussitôt notre Seigneur de vous conduire par un autre chemin, et de vous laisser travailler avec crainte à votre salut dans la voie ordinaire de ceux qui le servent. Vous devez principalement en user ainsi lorsque la révélation ou l'instinct vous porte à reprendre quelqu'un ou à lui donner quelque avis secret, et particulièrement si c'est à un prélat ou à un prêtre, ou à quelque autre personne semblable pour qui vous devez avoir beaucoup de respect. N'oubliez aucun effort pour éloigner toutes ces choses de votre esprit. Dites comme Moïse, faites. S'il vous plaît, Seigneur, ce commandement à quelque autre, et comme Jérémie, Seigneur, je suis jeune et ne sais pas encore parler. Jérémie 2, ce qui montre combien ces grands saints appréhendaient d'être envoyés de Dieu pour reprendre les autres. Ne craignez donc point que cette humble résistance que vous ferez soit désagréable à Dieu, ni qu'elle le fasse s'éloigner de vous si la révélation est de lui, au contraire, il se rapprochera davantage et vous en fera connaître la vérité, car comment celui qui donne sa grâce aux humbles la retirerait-il de vous pour avoir fait une action d'humilité? Que si la révélation est de Dieu, cette humilité sera comme la pierre dont David tua Goliath, et mettra le démon en fuite. C'est ce qui arriva à un père des déserts, le démon lui étant apparu sous la figure de Jésus-Christ crucifié. Non, seulement il ne voulut ni le regarder ni l'adorer, mais il ferma les yeux et dit, « Je ne désire point de voir Jésus-Christ en ce monde, mais seulement dans le ciel. » Et aussitôt cet ange de ténèbres disparut. Un autre de ses saints-pères répondit à cet esprit de mensonge, qui voulait lui faire croire qu'il était un ange envoyé vers lui de la part de Dieu. « Je ne suis pas digne que Dieu m'envoie des anges et n'en ai point de besoin, ainsi je n'ai garde de croire que Dieu vous envoie vers moi, ni ne veut point vous écouter. » Et cette humilité confondit l'orgueil de cet ennemi de notre salut. Voilà de quelle sorte l'humilité et le renoncement sincère au désir d'être favorisé de ces grâces extraordinaires a, par l'assistance de Dieu, garantit plusieurs personnes des pièges qui leur ont été tendus par le diable, et qu'ils ont éprouvé ce que dit David, « Le Seigneur garde les humbles, et il m'a sauvé », Psaume 12. Au contraire, lorsque l'on a de la complaisance en quelque fausse révélation ou pensée inspirée par le démon, Dieu permet par un juste jugement qu'elle prenne racine dans le cœur et s'y fortifie, parce, comme dit saint Augustin et que je l'ai rapporté ailleurs, celui qui est orgueilleux mérite d'être trompé. Gardez-vous donc bien, ma fille, de vous laisser aller à cette complaisance, ni d'avoir bonne opinion de vous, même à cause de ces révélations, et demeurez ferme dans l'humilité et dans une sainte crainte, comme si Dieu ne vous avait point favorisé de ces sortes de grâces. Que si, après en avoir usé en cette manière, ces révélations continuent, rendez en compte à quelqu'un capable de vous conseiller ce que vous devez faire, mais il vaudrait encore mieux lui en parler aussitôt qu'elle vous arrive, prier, jeûner et faire de bonnes œuvres pour demander à Dieu de l'éclairer, afin qu'il puisse vous bien conseiller dans une affaire qui n'est pas moins difficile qu'importante. Car si d'un côté nous prenions pour une illusion du démon une révélation de Dieu, nous blasphémerions comme ces misérables pharisiens qui attribuaient au démon les miracles de Jésus-Christ. Et si, au contraire, nous considérions comme des révélations de Dieu les illusions du démon, quel plus grand mal nous pourrait-il arriver que de prendre les ténèbres pour la lumière, le mensonge pour la vérité, et, ce que l'on ne peut dire sans horreur, le démon pour Dieu? Il n'y a personne qui ne voit combien il importe de ne se pas tromper dans une chose de si grande conséquence, mais autant qu'il est facile d'en connaître le péril, autant il est difficile de l'éviter par l'éclaircissement de la vérité. Ainsi, comme le don de prophétie, ou de faire des miracles, ou autre semblable grâce n'est pas donnée à tous, mais seulement à ceux qu'il plaît au Saint-Esprit d'en favoriser, il n'y a point d'homme, quelque capable qu'il soit, qui puisse juger avec certitude de ce qui procède de Dieu ou du démon, à moins que ce fût une chose évidemment contraire à l'Écriture sainte et à la foi de l'Église. Mais en cela, la lumière du Saint-Esprit, qui est ce que l'Écriture nomme le discernement des esprits, est toujours nécessaire à cause que c'est par cette lumière et par cette divine inspiration que celui qui la reçoit juge sans se tromper de quel côté est la vérité ou le mensonge, que s'il s'agit d'une chose importante, il faut s'en rapporter à l'évêque et s'en tenir à ce qu'il décidera. Chapitre 52. Des marques par lesquelles on peut discerner les véritables révélations d'avec les fausses. Outre ce que j'ai déjà dit, vous devez, ma chère fille, considérer quel avantage et quelle édification votre âme aura reçu de ces révélations et autres choses extraordinaires. Ce que je ne dis pas afin que vous vous arrêtiez à ces marques ou autres semblables, pour vous rendre juge de ce qui se passe en vous, mais afin que sur le rapport que vous offrez à celui de qui vous prendrez conseil, il puisse d'autant plus sûrement vous le donner selon la vérité, qu'il en sera plus particulièrement instruit. Considérez ensuite si ces révélations, ou choses semblables, vous ont servi pour remédier à quelques besoins spirituels, ou ont apporté quelque autre utilité à votre âme, car, si un homme de piété prend garde à ne point user de paroles inutiles, Dieu parlera-t-il inutilement, lui qui a dit par la bouche d'Isaïe, « Je suis le Seigneur, je vous instruirai de ce que vous avez besoin de savoir, et vous conduirai dans le chemin par lequel vous devez marcher, Isaïe, 48. Ainsi, lorsque vous verrez qu'il n'y a rien de solide ni utile dans ces révélations ou visions, considérez-les comme venant du démon qui ne cherche qu'à vous tromper lorsqu'il ne peut faire pis, et à vous faire perdre le temps et à ceux à qui vous les raconterez. La principale chose que vous devez observer en ce qui se passe dans votre âme dans ces rencontres est si elles vous rendent plus humble qu'auparavant, car l'humilité est ce qui donne le poids à la monnaie spirituelle et la distingue de celle qui est légère, ce qui a fait dire à Saint Grégoire que l'humilité est la marque évidente des élus, comme l'orgueil l'est des réprouvés. Remarquez donc en quel état vous vous trouverez alors, si vous êtes plus humble qu'auparavant, si vous avez plus de confusion de vos fautes, si vous avez un plus grand respect pour Dieu, si vous tremblez dans la vue de son infinie grandeur, si vous ne désirez point de raconter ce qui vous est arrivé, si vous ne vous en occupez point trop, mais désirez plutôt de l'oublier afin de ne vous en croire pas meilleur, si, quand le souvenir vous en revient, vous vous en humiliez davantage, si vous admirez l'extrême bonté de Dieu de daigner faire tant de faveurs à une vile créature, si vous vous sentez être dans une plus grande tranquillité d'esprit qu'auparavant et dans une plus claire connaissance de votre néant et de votre bassesse, ces marques pourront en quelque sorte vous faire juger que ces révélations ou autres choses semblables viennent de Dieu, puisque leurs effets seront conformes à ce que l'Église nous enseigne, que l'on doit d'autant plus s'abaisser devant Dieu, que l'on n'en reçoit plus de faveur, et lui donner toute la gloire de ce que l'on a de bon, comme étant la source éternelle tout le bien. Ce qui a fait dire à Saint Grégoire, lorsque la vérité et l'humilité se trouvent jointes dans une âme, on ne peut douter qu'elle ne soit remplie du Saint-Esprit, mais quand c'est une illusion du démon, c'est tout le contraire, car, au commencement ou à la fin de la révélation, on sent un désir de raconter ce qui s'est passé, une estime de soi, même et une opinion que Dieu veut faire en nous et par nous de grandes choses, on ne pense point aux fautes que l'on commet, et l'on ne désire point d'en être repris, on prend plaisir à se ressouvenir de la grâce que l'on croit avoir reçue, à en parler, et l'on voudrait que les autres en parlassent. Lorsque vous vous trouverez en cet état, vous pourrez croire hardiment que c'est une illusion du démon, et, soit que vous répandiez des larmes, ou que vous vous trouviez consolé, ou que vous ayez de grandes lumières des choses de Dieu, et quand même vous seriez ravi jusqu'au troisième ciel, si vous ne vous trouvez être dans une profonde humilité, défiez-vous de toutes ces faveurs apparentes et rejetez-les, puisque plus elles vous paraîtraient grandes, et plus vous courriez fortune de faire de grandes chutes. Priez Dieu de vous faire la grâce de vous bien connaître, de vous humilier et surtout de ne vous accorder que ce qui est conforme à sa volonté. Car, sans cela, tout le reste, quelque valeur qu'il paraisse avoir, au lieu d'être de l'or, n'est que du cuivre, et ce qui semble être de pure farine n'est que du son, parce que l'orgueil est si dangereux, qu'il ravit à l'âme ce qu'elle a de grâce, ou que s'il lui en reste quelqu'une, elle est si falsifiée, qu'elle ne peut être agréable à Dieu, et donne sujet à faire encore de plus grandes chutes. Vous savez que lorsque Jésus-Christ apparut à ses apôtres, le jour de son ascension dans le ciel, il commença par leur reprocher leur incrédulité, et puis leur commanda d'aller prêcher son évangile par tout le monde, avec pouvoir de faire des prodiges et des miracles, pour nous apprendre que lorsqu'il destine des personnes à de grandes choses, il commence par leur faire connaître leur néant, afin que quand la grandeur de leurs actions les élève, ils demeurent si persuadés de leur bassesse, qu'ils ne puissent les attribuer à leur propre force. Pour conclusion de tout ce que je viens de dire, remarquez bien les effets que ces révélations et autres consolations spirituelles produiront en vous, non pas pour en juger, mais pour en informer celui à qui vous demanderez conseil de la manière dont vous devrez vous y conduire. Chapitre 53. De l'orgueil secret dans lequel tombent plusieurs de ceux qui marchent dans la voie de la perfection, et qui les met en grand danger d'être trompés par les illusions du démon. Je dois vous avertir, ma chère fille, qu'il se trouve plusieurs personnes qui, encore qu'ils sentent quelle est leur bassesse, qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont rien par eux-mêmes, qu'il leur semble qu'ils attribuent à Dieu seul toute la gloire de ce qu'ils font de bien, et qu'ils paraissent en eux plusieurs autres marques d'humilité, ils sont néanmoins d'autant plus remplis d'orgueil secret, qu'ils se croient en être plus exempts. Cela vient de ce qu'encore qu'il soit vrai qu'ils ne s'attribuent pas le bien qui est en eux, ils le croient beaucoup plus grand qu'il n'est en effet, et pensent ainsi avoir reçu de Dieu une si grande lumière, qu'elle les rend plus capables de se conduire que nul autre ne le pourrait faire, et même de conduire les autres. Ils sont si amoureux de leur propre sens, qu'il leur arrive quelquefois de tenir peu de compte de ce que les saints des siècles passés ont écrit, et des sentiments des serviteurs de Dieu qui vivent encore. Ils se vantent d'avoir l'esprit de Jésus-Christ, d'être conduits par lui, et ainsi de n'avoir besoin du conseil d'aucun homme, parce que les grâces qu'ils reçoivent de Dieu, dans l'oraison, leur suffisent pour ne pouvoir être trompés. Ils pensent, dit saint Bernard, que le soleil ne luit que pour eux. Ils n'ont pas moins de mépris pour les plus sages que Goliath en avait pour les Hébreux. Ils n'approuvent que ce qu'ils font. Ils ne peuvent souffrir qu'on les contredise. Ils veulent partout être les maîtres, que tout le monde les croit et ne croit personne. Ils appellent tiédeur et crainte la sage discrétion que donne une expérience, et nomment liberté de l'esprit et force de Dieu des faveurs déréglées, des nouveautés singulières et des extravagances qui renversent les véritables règles de la piété. On les entend dire presque à tous les moments, « L'Esprit de Dieu m'inspire cela », et autres semblables paroles. Et quand ils allèguent l'Écriture sainte, au lieu de l'expliquer selon le sens de l'Église et des saints, ils l'interprètent à leur fantaisie, dans la créance propre autorité, au-dessus de tous les autres. Leur aveuglement est si déplorable, qu'étant extrêmement orgueilleux, ils se persuadent d'être parfaitement humbles, que croyant que Dieu habite en eux, ils sont très éloignés de lui, et que ce qu'ils s'imaginent être une grande lumière n'est que d'épaisses ténèbres. Gerson dit, en parlant de ces personnes, « Il y en a qui prennent plaisir à se conduire eux-mêmes selon leur fantaisie qui est un dangereux guide, ils jeûnent beaucoup plus qu'ils ne devraient, ils affaiblissent leur cerveau par des veilles et des larmes excessives, ils ne veulent prendre conseil de personne, ni même de ceux qui sont les plus instruits de la loi de Dieu. Et quand on veut leur en donner, ils ne l'écoutent pas ou ils le méprisent, parce qu'ils pensent savoir mieux que nuls autres ce qu'ils doivent faire, sur quoi je ne crains point de dire qu'ils tomberont bientôt dans des illusions du démon, puisque leur présomption les rend si aveugles, qu'elle leur est une pierre d'achoppement. Ainsi quelques révélations extraordinaires qu'ils puissent léguer, on doit les tenir pour suspectes. Chapitre 54. Suite du chapitre précédent, où il explique plus particulièrement l'erreur de ceux dont il a parlé, enseigne la manière dont on doit recevoir les conseils d'autrui, et montre combien il est dangereux de ne suivre que son propre jugement. Vous devez savoir, ma chère fille, que quelques-uns de ceux dont je viens de parler, sont des personnes sans lettres et ennemis de ceux qui sont savants, que s'ils se rencontrent qu'ils sachent un peu de latin, jusqu'à pouvoir entendre le Nouveau Testament, cela suffit pour faire qu'ils ne croient que, même en pensant croire ce que Dieu a dit, ils s'embarrassent de telle sorte dans quelques petits versets mal entendus et sont si opiniâtres et si incapables d'instruction, qu'il vaudrait mieux, comme dit l'Écriture, rencontrer une ours à qui l'on aurait dérobé ses petits, que l'un de ces ignorants, si présomptueux dans leur ignorance. Ils ont sans cesse dans l'esprit et dans la bouche ces paroles de saint Paul, la science enfle, et la charité édifie, 1 Corinthiens, 8, 1, et ils croient avec cela avoir droit de mépriser les savants comme étant superbes, et de s'estimer eux, même comme étant charitables. Mais ils ne voient pas qu'au contraire ce sont eux qui sont enflés d'un orgueil qui regarde la sainteté, et est aussi beaucoup plus dangereux que celui qui ne regarde que la science, parce qu'il procède d'une cause beaucoup plus noble et plus élevée, et qu'encore que la piété et la science ne puissent, par elles-mêmes, rien produire de mauvais, ils en prennent sujet de s'enfler de vanité. Ils ont donc grand tort de mépriser les savants, car, puisque la science ne les empêche pas d'être humbles et saints, mais, au contraire, peut les y servir, c'est une grande présomption et un grand tort qu'on leur fait de se persuader qu'ils ne le sont pas, et quand cela serait, ne doit-on pas se souvenir de ce qu'a dit Jésus-Christ? Les docteurs de la loi et les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse, observez donc et faites tout ce qu'il vous ordonne, mais ne faites pas ce qu'ils font, Matthieu, 13. Ceux-ci font tout le contraire, car ils n'embrassent pas la bonne doctrine que les sages leur enseignent, et font le mal qu'ils leur reprochent, lorsqu'ils les accusent d'être superbes. Puisqu'ils les méprisent et renversent ainsi tout ordre divin et humain qui veut que les moins sages se laissent conduire par les plus sages, en quoi cet ordre n'a rien d'opposé à ce que dit saint Jean, que l'onction de la grâce de Dieu enseigne toutes choses, Jean, 2, parce qu'il entend, en parlant ainsi, que la grâce et la lumière de Dieu instruisent quelquefois intérieurement par elle-même, une personne de ce qu'elle doit faire, mais elle veut d'autres fois que l'on ait recours au conseil de celui à qui on doit le demander, ce qui montre qu'il est vrai qu'elle nous instruise de toutes choses, mais que ce n'est pas toujours seulement par elle, même, sur quoi saint Augustin dit, fuyons les superbes et périlleuses tentations, et souvenons-nous qu'encore qu'une voix venue du ciel se fût fait entendre à saint Paul, il ne laissa pas d'être envoyé à Ananie pour l'instruire et le baptiser, et que la même chose arriva au centenier Corneille qui fut instruit et baptisé par saint Pierre, Actes des Apôtres, 9. Nous serions bien malheureux, si Dieu ne nous parlait point par l'entremise des hommes, Car ce que saint Paul dit que le temple de Dieu est saint et que nous sommes ce temple, 1 Corinthiens 3, serait-il vrai si Dieu ne se faisait point entendre dans ce temple, et qu'il fût besoin qu'il nous parlât toujours du ciel par le ministère des anges pour nous apprendre ce que nous devons faire? Et comment la charité pourrait-elle se communiquer, si les hommes n'étaient instruits par les hommes? Saint Philippe fut envoyé à l'eunuque de la reine d'Éthiopie, Actes 8, 27, et Moïse suivit le conseil que lui donna Jéthro, son beau-père. Saint Augustin rapporte ces deux exemples et Saint Jean Climaque dit que celui qui ne se conduit que par lui-même n'a point besoin de démon pour le tenter, parce qu'il est lui-même son démon. Saint Jérôme dit aussi, « Je n'ai pas voulu m'en croire parce que notre propre sentiment est un mauvais conseiller. » Saint Vincent conseille à celui qui veut être spirituel de chercher un bon directeur, et, s'il en peut trouver un, de le croire. À quoi il ajoute que si son orgueil l'en empêche, Dieu ne se communiquera jamais à lui. Saint Bernard et Saint Bonaventure conseillent aussi la même chose, et l'Écriture sainte est toute pleine de ces mêmes avis. En voici quelques-uns. Malheur à vous qui croyez être sage et prudent. Isaïe 5. Et ailleurs, il y a de la folie à se croire sage. Proverbe 26, 12. Saint Paul dit, gardez-vous bien de vous croire sage. Salomon donne aussi cet avis, quelque sage que soient les avis que vous donnerez à l'imprudent, il ne les écoutera pas, s'ils sont contraires à son sentiment, Ecclésiaste 6. Et ensuite, si vous écoutez avec attention, on vous instruira, et si vous prenez plaisir à être instruit, vous serez sage. Je serais trop long si je voulais rapporter tous les autres endroits de l'Écriture qui confirment la même chose. Je me contenterai de dire que les instructions qu'elle nous donne, les sentiments des saints, leurs exemples et l'expérience, nous disent tout d'une voix que nous ne devons point nous appuyer sur notre prudence, mais suivre le conseil des sages. Car autrement qui aurait-il de plus désordonné que l'Église de Dieu, s'il était permis à chacun de suivre son sentiment? Comment l'Esprit de Jésus-Christ, qui est un esprit d'humilité, de paix et d'union, pourrait-il porter quelqu'un à être d'une opinion contraire à celle de tant d'autres qui sont conduits par le Saint-Esprit? Et comment un homme pourrait-il, par l'inspiration de ce même esprit, avoir une telle estime de soi, même que de se persuader qu'il n'y eut personne dans toute l'Église qui fût capable de juger s'il se trompe ou s'il ne se trompe pas, car, comme dit saint Augustin, rien ne pourrait empêcher cet homme de se soumettre au jugement des autres que parce que sa présomption irait jusqu'à s'imaginer que nul autre n'est si capable que lui, et quand même il serait arrivé jusqu'à un tel orgueil, ne devrait-il pas penser que comme il se peut faire que celui qui a moins de capacité qu'un autre ne laisse pas de pouvoir avoir le don de prophétie, de guérir les maladies, et autre semblable donc un autre n'a pas, il se peut faire aussi que celui sur qui il a ses avantages, le surpasse en ce qu'il a le don de conseil et de discernement des esprits, lequel il n'a pas. Ainsi, puisque l'humilité et la paix sont si agréables à Dieu, il n'y a point de sujet de craindre que si les sentiments que l'on a viennent de lui, on les perd en se soumettant par son amour à la vie des autres, au contraire, c'est le moyen de s'y affermir davantage, au lieu que refuser de prendre conseil est une preuve que ces sentiments ne viennent pas de Dieu. Puis, comme dit saint Jacques, que l'une des marques de la sagesse qu'il nous inspire est qu'elle est docile, Jacques 3. Sur quoi saint Augustin dit que ces sentiments présomptueux sont très dangereux, parce qu'encore que l'orgueil et la désobéissance de la volonté, qui font que l'on ne veut pas se soumettre à celle d'autrui, soient périlleux. L'orgueil de l'entendement, qui consiste à ne vouloir croire que soi-même, est encore beaucoup plus périlleux, car celui qui n'est orgueilleux que dans la volonté se soumet quelquefois à l'avis d'autrui, à cause qu'il le trouve meilleur que le sien. Mais rien n'est capable de faire changer d'opinion à celui qui est persuadé que nul autre n'est si bonne que la sienne, et comment donc se soumettra-t-il à celle qu'il n'approuve pas? Si l'entendement, qui est l'œil de l'âme et qui doit lui faire voir sous l'orgueil afin d'y remédier, est lui-même aveugle, s'il est infecté de ce dangereux poison, quel moyen de le guérir? Si la lumière se trouve changée aux ténèbres, et si la règle, au lieu d'être droite, devient courbe, quelles en seront les suites? Que si les maux qui procèdent de cette source empoisonnée de l'orgueil causent de si grands troubles dans le monde, par l'opiniâtreté avec laquelle ils portent chacun à défendre son opinion, quel moyen de vivre en paix, et quelle horreur ne doit-on point en avoir, lorsque l'on considère que de bons chrétiens sont devenus par lui de pernicieux hérétiques, car ils ne l'ont été et ne continuent de l'être que pour avoir suivi et suivre plutôt leurs propres sentiments que ceux de l'Église. Ils se sont imaginés que ces grands saints qui les ont précédés étaient dans l'erreur, et qu'au contraire ce qui se passait en eux-mêmes venant de Dieu, ils n'auraient pu manquer à l'embrasser sans préférer des hommes à lui. Mais il apparut clairement que ce qu'il croyait venir de l'esprit de vérité venait de l'esprit de mensonge qui, ne les ayant pu vaincre d'une autre manière, s'est transformé en ange de lumière, et sous prétexte de leur enseigner la vérité, leur a ravi la vie de l'âme en les empêchant de se soumettre aux sentiments d'autrui. Nous devons donc extrêmement éviter de suivre notre propre sens et choisir une personne pour nous conduire, à qui nous nous assujettissions dans la vue de Dieu. Chapitre 45. Que nous devons extrêmement éviter de suivre notre propre sentiment, et choisir quelqu'un à qui nous nous assujettissions dans la vue de Dieu. Quelle doit être cette personne et de quelle sorte nous devrons nous conduire à son égard? L'expérience que j'ai faite des choses dont je vous ai parlé, et l'appréhension qu'elle me donne, m'oblige, ma chère fille, à vous avertir que comme vous devez être ennemi de votre propre volonté, vous le devez être encore beaucoup davantage de votre propre jugement et de désirer qu'on le suive, puisque je vous ai fait voir les maux qu'il produit. Résolvez-vous donc de lui faire la guerre tant extérieurement qu'intérieurement, et même en des choses légères, car n'y ayant presque rien qui trouble tant le repos dans lequel Jésus-Christ veut trouver votre âme pour se communiquer à elle, il vous est beaucoup plus avantageux de ne pas réussir dans ce que vous désirez, que de perdre cette tranquillité dont vous avez besoin pour traiter avec lui. Mais cela se doit entendre si vous n'êtes point obligé à prendre soin de la conduite de la maison, ce qu'il faudrait bien examiner devant Dieu et avec bon conseil, selon la qualité de la chose, car vous savez que ceux qui se veulent engager dans une grande entreprise commencent par éprouver leur force avant que d'en venir à l'exécution. Et il est certain que lorsqu'on s'est accoutumé dans de petites choses à croire son propre sentiment, on a bien de la peine à ne le suivre pas dans les grandes. Au contraire, quand on s'accoutume dans ces petites choses à se défier de ses propres lumières, On se soumet facilement à la volonté de Dieu, à l'avis de ses supérieurs et à ne vouloir juger de personne. C'est pourquoi ainsi que je l'ai dit, comme vous pouvez dans ces petites choses renoncer à votre propre sentiment pour suivre celui d'un autre sans beaucoup examiner de qui il vient, vous devez de même, en ce qui regarde votre conscience, vous défier de vous. Je ne prétends pas néanmoins que vous vous confiez indifféremment à qui que ce soit, mais il faut que vous choisissiez pour guide et pour directeur un homme savant et expérimenté dans les choses de Dieu. Car la science ne suffit pas, elle doit être accompagnée de l'expérience pour savoir de quelle sorte on se doit conduire dans la prospérité, l'adversité, la tentation et les autres choses qui arrivent à ceux qui embrassent la vie spirituelle. Ils ont besoin, comme dit Gerson, d'avoir recours à des personnes intelligentes dans la conduite des âmes, et il arrive souvent à ceux qui ne sont que savants, ce qui arriva aux apôtres lorsqu'étant la nuit sur mer, durant une tempête, et que Jésus-Christ vint à eux. Ils crurent que c'était un fantôme, prenant ainsi pour une illusion une véritable faveur qu'il leur faisait, car quelques-unes de ces personnes ont d'eux-mêmes des craintes excessives qui font qu'ils se défient de tout, et que manquant de l'expérience et de la lumière nécessaire pour discerner ce qui vient de Dieu, ils en parlent sans connaissance et peuvent à peine croire qu'il se passe dans l'esprit et le cœur des autres des choses plus élevées que ce qu'ils ressentent dans eux-mêmes. Il y en a d'autres qui, bien qu'exercés dans la dévotion, se laissent si facilement aller à l'estime de ces sentiments spirituels, qu'ils admirent ce qu'on leur en rapporte, et considèrent comme plus sains et plus parfaits que les autres, ceux qui en ont davantage, comme s'ils n'y avaient jamais en cela rien à appréhender, mais à cause qu'il peut y avoir beaucoup à craindre, ils tombent dans l'erreur par ignorance et y font tomber ceux qu'ils conduisent, parce qu'ils ne sont pas assez instruits des artifices du démon, et ainsi ne sont pas de meilleurs directeurs que ceux dont je viens de parler. Il y en a, au contraire, quelques-uns si judicieux et qui savent si bien que la véritable sainteté, au lieu de dépendre de semblables choses, ne consiste qu'à accomplir la volonté de Dieu, et qui ont une si grande expérience de ce qui se passe dans les âmes, qu'ils doutent où il y en a sujet, et s'informe si particulièrement de la manière dont ces choses arrivent, qu'ils en connaissent la vérité. C'est à cela, ma fille, que vous pouvez vous confier, quoiqu'ils ne soient pas fort savants, puisque leur expérience suffit pour bien conseiller ceux qui veillent avec attention sur eux-mêmes. Ainsi, comme cela vous importe de tout, demandez instamment à notre Seigneur de vous donner un de ces sages directeurs, que s'il vous accorde cette grâce, confiez-vous en lui, sans rien craindre, et ne lui cachez rien de tout ce que vous ferez de bien ou de mal, afin qu'il puisse, par ses avis, vous fortifier dans l'un et vous corriger de l'autre. Ne faites rien d'important sans son conseil, et assurez-vous que Dieu, à qui l'obéissance est si agréable, lui mettra dans l'esprit et dans le cœur les sentiments nécessaires pour vous bien conduire. Par ce moyen, vous éviterez de tomber dans deux très grandes fautes, l'une, de ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin du conseil des hommes parce que Dieu lui-même les conduit et que cela leur doit suffire, l'autre, de ceux qui, suivant entièrement l'avis des hommes en tant qu'hommes, tombe dans la malédiction prononcée par un prophète, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme », Jérémie 17. Vous vous garantirez du premier de ces deux dangers en vous assujettissant à un homme, et vous éviterez le second en ne vous confiant ni en sa science, ni en sa sagesse, mais seulement Dieu qui vous instruira par son moyen de ce que vous aurez à faire. Tenez pour certain qu'il n'y a point de chemin plus assuré pour se conformer à la volonté de Dieu que cette humble obéissance si recommandée, si pratiquée par tous les saints, comme les vies des saints pères des déserts nous en rend témoignage, car c'était entre les jeunes solitaires une marque de tendre à la perfection que d'être fort obéissant à leurs anciens. Et entre tant de choses louables qui se pratiquent dans les ordres religieux, nul autre, à mon avis, ne l'est davantage que de vivre tous ensemble sous la conduite d'un supérieur à qui ils obéissent tant dans le spirituel que le temporel, parce que la confiance qu'ils ont en lui et le plaisir avec lequel ils s'y soumettent les fait vivre dans un grand repos. Marc Emdan, archive.org, d'après les œuvres très complètes de Sainte Thérèse, tome 4, 1845, à Bémigne, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.